que je vais faire une intro. Tu vas faire une intro genre Jérôme Niel. Salut bande de salopes, avec les Dutons on apprend en s'amusant. Ouais mais j'ai pas assez d'impro. Donc bonsoir, vous êtes bien sur le... C'est vrai qu'il n'y a pas de nom encore. Ouais. Donc on va... Alors trois objectifs ce soir. Bonjour. Pas cet après-midi. Attends, je vais te présenter, t'inquiète. Okay. Trois objectifs. Répondre aux questions que j'ai préparées sur mes petites fiches. Donc Lucas. C'est des fiches à 4 ans. Avec un invité, Jules, en présence. Mais qu'on avait dit, se présenter. On avait dit Boris. Jules ou Boris. Jules, enchanté. Nice. Enchanté. Nice to meet you. Et on va répondre à des questions pour en connaître un peu plus sur sa personne. Sur moi. Et aussi, objectif numéro 2, trouver un nom à ce pilote d'émission. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge. Mais c'est surtout un pilote parce que vu comment ça démarre, je suis pas sûr que ce soit publié encore. On n'est pas pilote, nous. Allez, ça part. Première rubrique, ça va être la rubrique toi. Oh putain. Moi. Rubrique moi. Ouais. C'est original, tu vas voir, tu vas comprendre. Alors, si tu devais être l'imitateur attitré d'un mec connu. L'imitateur. Ou pas. Ah ok. L'imitateur attitré. Genre vraiment, t'es imitateur. Tu as un titre. Non, t'es l'imitateur. Tu imites une seule personne, mais t'es connu pour imiter cette personne. Ouais, j'imite très bien Didier Deschamps. Je vais une démo du coup. Moi je pense que je pourrais imiter Didier Deschamps parce que bon. Ben je pense qu'on a fait un bon match maintenant. Je pense que Franck Ribéry. Oh les deux phrases que tu m'en fais. Je pense que, alors, que Franck Ribéry mériterait sa place en équipe de France. C'est pas mal. Ça nourrit son âme comme on dit. J'ai fait des pronos. Ouais. Et j'ai cru Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. Mais si, parce que à chaque fois tu me dis ah non non. C'est juste le jingle. Non mais à chaque fois tu me dis genre ce qui dépasse toute morale et bon à prendre. Je pourrais pas imiter Philippe Bouvard monsieur. Ok. C'était ton seul prono. Mec, t'en y en a vraiment trois tout le long de l'émission, vraiment pas beaucoup. Mais des fois je me suis fait des pronos pendant les questions. Parce que je me suis dit. Philippe Bouvard, c'est une voix, au-delà de l'histoire de morale, etc. C'est une voix, Philippe Bouvard. C'est une gueule. Moi, je peux te faire Philippe Manœuvre si tu veux. J'attends de voir ça. Non, mais. Non, mais. Non, c'est ça. Il a fait Bourville. Non, mais j'étais pas mal là. Non, en vrai. Non, mais je voulais entendre du rock. Ça marche pas. Ah, c'est pas ouf. Non, bon, ok. C'est pas ta meilleure expérience. Attends, quand tu fais une autopsie d'un Kurt Cobain, d'un Elvis Presley, d'un Michael Jackson, tu trouves des cocktails de médoc, de substances interdites, de drogue. Si tu devais... Alors, deuxième question. Je reprends. Si tu devais être un plat un peu honteux, genre c'est un truc que t'oses pas dire. Un plat, mais essentiellement salé. Une moussaka. Pourquoi? Ah, parce que c'est visuellement pas ouf. C'est visuellement assez dégueulasse. C'est vraiment une très... T'as vraiment très peu d'estime pour toi. Mais une moussaka, c'est un peu dégueulasse visuellement. Genre, mec. Ouais, mais c'est bon à l'intérieur, c'est ça que tu veux voilà, dire. Voilà, il y a du fromage coulant, enfin, genre. On a pas envie de manger ça, quoi. Mais au fond. Titre. Fromage coulant, c'est un titre, je sais pas ce que tu fais de la nuit, toi. Mais mec, c'est un peu dégueulasse, mais je pense qu'au fond, il y a un cœur à prendre, comme on dit, dans le milieu. Ça nourrit son homme. Je roule ma bib en mécanique. Ça te suffit, comme rêve. Et alors, juste un biscuit. Parce que du coup, j'ai fait une promo sur ça. Si je devais être un biscuit. Si tu devais être un biscuit. Quel genre de biscuit? Pas une marque, mais genre un genre de biscuit. Et moi j'ai un prono sur ça. Je serais un Oreo. J'ai une justification assez borderline, mais. Parce que je suis cosmopolite à l'extérieur, mais. Enfin blanc de souche à l'intérieur, quoi. Oh putain! Oh putain! C'était pour la blague! Je serais un loup parce que Nekfeu l'a dit, je suis sucré comme un loup. Je serais un petit loup. Ben moi j'ai dit un boudoir. Je sais pas ce que c'est. Pourquoi un boudoir? Mais parce que tu vois. À l'extérieur, alors attends, je te raconte. À l'extérieur, t'as l'impression que c'est un peu croquant. Enfin, genre, c'est croquant de base. Et au final, c'est sucré. Et en même temps, ça te fond un peu dans la bouche. Ok. Comme la moitié des biscuits. Donc, explique-moi le parallèle que tu fais avec moi, justement. Bah justement, à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est croquant et ça fond un peu dans la bouche. Pire sketch. Eh bien mec, on fait un sketch. Là, on fait genre, on écrit un sketch et on sait pas quel sketch. Bon. Est-ce qu'on pourrait faire un sketch? Tu ferais gaffe, tu t'es craché dessus, hein, pas. Ouais. D'où le blanc d'ailleurs. Lui, ouvrons le champ des possibles. Alors, tu sais que t'as un corps. Tu sais que t'as un corps asymétrique, mec. Ouais, pourquoi? Bah alors non, c'est juste l'intro. Okay. L'intro, le contexte à ta question. J'ai un corps asymétrique. Alors. Si tu pouvais choisir une partie de ton corps que tu préfères, mais de façon singulière, mais attends, genre ton bras droit, mais pas le gauche, parce que ton corps est asymétrique, je te le répète. Ouais. Je dois répondre à ça, là? Ouais. Une partie de mon corps? Une partie de ton corps, que tu... parce que tu sais, ton corps est asymétrique, genre... Ouais, toujours, je suis asymétrique, quoi. Ouais. Quelle partie de ton corps, que ce soit profil de visage, nez, tu vois, c'est un peu profond, hein. Mais genre ton bras ou tes jambes peut-être. Ok, mais c'est un peu claqué comme réponse. Ouais, ça me va. C'est pas vraiment une fossette, mais c'est le sourire que j'ai sur le côté gauche de mes lèvres. Parce que sur toute la photo d'identité... Tu te kiffes un peu, quoi. Non, mais j'essaye de rester sérieux avec le sourire... Ah oui, c'est vrai que tu souris que d'un côté. Et ouais, tu souris que d'un côté, c'est mec. Mais moi, je suis là. Mais genre, en vrai, c'est un peu le smiley. Tu sais, le smiley, genre. J'ai envie de ken. Genre, tu sais, le smiley un peu, genre. Non, mais enfin. Horrible. Mais non, mais tu sais, c'est le smiley un peu de genre. J'ai envie de faire des trucs de barbare, mais genre, rester politiquement correct. Tu vois, c'est un peu le smiley, genre. Comme ça. Et du coup, bah, genre, c'est la partie gauche de mon sourire. J'aime pas spécialement, mais je trouve que c'est assez distinctif. Ah ouais. T'as dit quoi? T'as un prono? Ouais, moi j'avais pas de prono, tu vois. Un prono. Mais j'aurais dit un bras ou une partie de sourcil, genre. De sourcil? Ouais, parce que... Alors bah, tu vois, là, comme la tête que tu as fait, ah, j'ai un sourcil qui monte plus haut que... Oui, parce que j'en ai qu'un qui s'élève, mais j'arrive pas à lever... Enfin, genre... ouais. Ouais. Et c'est lequel? L'histoire d'une vie. Hein. C'est lequel qui s'élève plus haut? Bah c'est le tien, c'est le droit, du coup. Le tien, c'est le mien, c'est le droit. Le tien, c'est le mien, ouais. Ok, bon, on va pour le sourcil, alors. C'est quand même... Ça a quand même plus de chaque réponse à moi. Non, mais ça me va. Alors là... Une autre rubrique, jingle rubrique. J'ai absolument pas fait la jingle. Rubrique sexo. Tu veux que j'lance un jingle? Lance un jingle. Non! Pas mal. Rubrique. Hein. Rubrique sexo. Si tu. Alors, ouais, alors ça, j'allais te dire. J'ai envie de demander conseil. Ouais. Alors, c'est vraiment. Servons-nous un verre. Mais toi, je te sers. Enfin, genre, t'es pas un PJ. Oh, tiens, Lucas, tu as bien bu. Oh, pas plus haut que le verre. Oh, voilà. Allez, je te sers quoi? Je te sers un rosé. Ouais, pas les couilles, hein. Allez. Allez, c'est pas ça la blague à la base. Elle est mieux travaillée, je pense. Allez, vas-y. Alors, j'allais te demander un conseil. Ouais, ouais. Enfin, pour un pote, hein. Toujours. Toujours, bah, bien sûr, on la connaît. Hein. Si tu veux pécho quelqu'un. C'est quoi ta botte secrète? Qu'est-ce que tu ferais? Ou qu'est-ce que tu as fait, par exemple, pour pécho quelqu'un? Quel serait ton truc? Par exemple, qu'est-ce que tu as... Tu évoques tel sujet, ou tu fais telle cuisine, ou tu l'invites quelque part, ou tu lui as fait un plan de journée, tu l'invites n'importe où, genre... Est-ce que ça peut être une petite phrase, ou une petite anecdote, ou une petite... Ça peut être tout, ça peut être tout. Eh ben, la botte secrète... J'espère que personne ne tombera sur ces podcasts. Non, mais c'est pas une botte secrète, mais c'est. Il faut savoir être stratégique. Ouais. En ce sens que. En phrase philosophique. En ce sens que. Il faut savoir mettre en avant ses qualités et mettre en retrait les qualités qu'on n'a pas. Ouais, ça on l'avait. Une petite phrase du genre. Non, mais moi j'ai jamais rien misé sur le physique, j'ai toujours misé sur l'humour. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours développé une certaine qualité au profit d'une autre. Et du coup. Clac, tu te mets en retrait, mec modeste, tu mets en avant avec de l'humour, ah il est marrant, il est marrant. Et j'ai toujours fait ça. Et puis après, j'en mets au McDo parce que j'ai pas de sous. Et donc là, on se fait un bon Domac. Et, et ça marche tout le temps. Non, ça marche pas souvent. Mais genre, quand ça marche, au moins c'est sincère. On part sur une base de sincérité. Une meuf que tu sers après un McDo, c'est une meuf qui t'aime. C'est ça le fond de ma pensée. Parce que j'ai pas les sous. Et alors, attends, pour étendre ta question. C'est ta question. Pour étendre ma question. Ma question. D'où le fait du problème. Alors attends, je te proposerai de traquer. Tu sais qu'à l'époque, genre les Gaulois, quand ils trinquaient, tu sais qu'ils trinquaient fort. Et du coup, ils en étaient partout. Non, c'est pas ça, mec, c'est pas ça. Ils trinquaient fort, comme ça, en fait, pour que les verres, le liquide passe d'un verre à l'autre, que le liquide se mélange, et parce que si jamais il y avait un verre empoisonné, au moins, ils étaient sûrs que le poison passait d'un verre à l'autre. C'est-à-dire que sinon, genre, par exemple, si j'ai voulu t'empoisonner, on trinque fort, mon liquide passe dans ton verre, ton liquide passe dans mon verre, par jeu de violence. Ouais, c'est pas et au moins, et on savait que si jamais j'avais moi mis du poison dans ton verre, il y avait aussi du poison que j'avais mis dans ton verre qui se retrouvait dans le mien. Et du coup, je pouvais pas te niquer comme ça. Putain, énorme. C'est dans Astérix que j'ai vu ça. Donc, la sauce historique reste à désirer, mais genre, tu veux que je mets les éponges? Genre, alors attends, pour étendre ma question, qu'est-ce que serait la première phrase, enfin l'accroche que tu utiliserais pour pécho quelqu'un, vraiment? Alors, il y en a deux. Ouais. La première, qui serait juste pour le côté un peu décalé, ouais. Qui serait, tu veux voir ma bite? Et la seconde, pas fou quoi. Et pas fou, et la seconde qui serait peut-être plus, genre, mademoiselle, tu es vraiment charmante, veux-tu un tel amante? Tu vois, ce serait plus... C'est vraiment pas cool. Non, moi je suis pas trop dans l'accroche, moi je suis plus dans le regard. Genre, voilà. Ce serait plus. Le regard se voit pas. Voilà, ce serait plus un jeu de regard quoi. Mais je suis pas très très phrase, je suis plutôt timide, base. Je suis plutôt timide et du coup. Mais en vrai, du coup, t'es plus un homme de. Parce que tu te considères encore comme un homme. Je suis assez non binaire, ma mère libanaise. Non, mais c'est. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Non, ma mère libanaise. T'attendrais un contexte particulier pour genre faire une blague et commencer la discussion quoi. Ouais. Je jouerais un peu sur le, si tu veux, l'ironie ou sur le foutage de gueule, mais assez courtois, tu vois. Voilà, ce serait un peu de l'autodérision. Et ce serait. Ça marche pas d'ailleurs cette technique, faut savoir. Ça marche pas trop. Et je sais pas trop sur quelle corde on peut jouer finalement. Je sais que toi tu joues sur la corde de la beaufrie par exemple, tu vois, toi tu joues sur la corde directement, on se monte bof, on se monte franc, genre on se monte tel qu'on est. J'ai plus de mal avec ce concept, ça vient au fur et à mesure, mais voilà. Alors attends, parce que j'ai fait mes petites recherches. Oh putain de cette émission qui n'a... Alors attends, parce que cette émission qui n'a pas de nom, et j'ai trouvé un nom, enfin genre j'ai une proposition de nom, vas-y bois, en même temps, la ch'touille. Ah voilà. Moi j'ai trouvé ça pas mal, mais genre il faudrait qu'on trouve un autre nom d'émission en première émission. T'es au courant de ce à quoi ça renvoie? Ouais. C'est parfait. Donc ce sera peut-être pas la ch'touille. Mais peut-être on trouvera. Du coup j'ai trouvé des accroches. Ouais. À propos de cette question, je reviens à la question. Trois accroches. Et tu vas me dire ce que t'en penses, enfin, genre j'attends des réactions. Je suis là pour ça. Alors accroche numéro 1. Attends, accroche pour le nom de l'émission? C'est l'accroche pour quoi? C'est l'accroche pour draguer. Okay, tu sais, la première phrase que tu trouves. Ok, cool. Donc rien à voir. Non, t'y étais pas. Tu suivais, c'était gentil. Alors attends. Merci mec. Salut, je pourrais te dire une excuse ou quoi, mais vraiment, tu me donnes envie de te connaître. Ok, skip. Non, en vrai, c'est. Elle est pas folle celle-là. Non. Mais moi, je trouve ça honnête, mais timide un peu. Ça fait un peu timide, genre le mec un peu, genre, pato, tu vois. Mec gêné. Mec, il essaie d'un certain rapport, mais il est pas à l'aise avec lui-même déjà. Et moi, je pense qu'on peut pas aimer quelqu'un sans s'aimer soi-même. Et du coup, je pense qu'il est bon, allez, on passe. Mais il y a aussi. Alors, attends. Accroche numéro 2. Transition. C'est l'accroche de genre en mode. T'approches quelqu'un, t'as pas d'idée. Mais t'essaies quand même. Tu le rentres dedans. J'arrive pas à lire mes notes. Ouais, je vois bien. Donc là, j'improvise un peu. Donc là, tu vois quelqu'un. Tu connais pas cette personne. Ah non. Mais vous êtes à une soirée ou quoi. Et t'essaies d'accrocher genre avec la personne en commun. Genre, hey, comment tu connais insérer le nom de la personne Insérer Zinedine Zidane par exemple. Au pif. Ouais, ou la personne qui t'invite à la soirée. Qui ou, peut être ou l'endroit genre. Qui peut être Zinedine Zidane. Genre en mode, hey, tu connais. Enfin, tu viens souvent dans ce bar ou quoi. Genre, tu trouves pas ça fou. Tu connais Zinedine Zidane par exemple. Enfin, c'est une dégradation. Ou Zindine. C'est un exemple. Ouais. Celle-là, elle est pas mal, mais elle est un peu cramée. Dans le sens où, genre, on sait très bien que quelqu'un qui dit un nom commun, genre, c'est pour dire genre en mode... Mais alors, attends. Non, je suis d'accord. Ouais. Mais alors, autant chercher une excuse pour ça, ou autant se rabattre sur la croche numéro 1 et c'est cramé direct et genre... Bon, écoute, je t'ai vu de loin, je vais pas chercher d'excuses, j'ai envie de te connaître. Voilà. La différence, c'est que l'approche numéro 1, elle est timide, elle marche pas, mais elle est honnête. L'approche numéro 2, elle est hypocrite et c'est cramé. Donc, l'approche numéro 2, elle marche pas non plus. Elle marche pas, et donc j'ai mis un peu de réserve quant à cette. Moi, j'ai une accroche à suggérer quand même. Vas-y. Bon, vas-y. Mais c'est plus une accroche qui marche, mais c'est pas une accroche en live. C'est une accroche qui marche plus par, tu vois, par texto ou par. Enfin, par réseau social, tu vois. Parce qu'on on enregistre cette émission. Tu veux qu'elle soit enregistrée quel jour? 2016. 21 septembre 2019. 21 septembre 2019. Quand on va le futur. Ouais. Et donc l'accroche serait plus, tu vois, par texto ou quoi, parce qu'on est à une ère de réseau social, etc. Je sais pas, par exemple, tu envoies une photo d'une montgolfière, parce que tu ne connais pas. Bizarre. La meuf se dira. Ah putain, j'ai atterri quelque part. La meuf se dira, qu'est-ce qui se passe? Tu fais. Non, bizarre, enfin, j'ai atterri là et du coup je me demandais si on pouvait faire connaissance, tu vois. Et là, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est un peu gros bof, mais quand même, ça a le mérite d'être tenté, tu vois. Est-ce que tu te considères comme un bof ou pas? Bah, je pense que de manière assez évidente, oui. Bah, je pense que. Ça me suffit. Ça me suffit. C'était une question prévue? Mais qu'est-ce que. Non, mais d'accord. Qu'est-ce qui te fait dire, ah putain, je suis un bof? Est-ce que ça vient des idées et du. Vu que tu viens globalement du sud de la France, pour ne rien dire, pour ne pas te cacher, la moitié, disons, en dessous de Lyon, si on tire. Mais gros, en dessous d'Avignon, c'est le sud, au-dessus, c'est le nord. Enfin, bah, mettons la frontière là. Mais ok. Et... Tu sais que j'ai appris ça, le nord de la France, en fait, se situe, théoriquement, on devrait le situer autour de la 35e parallèle, qui passe un peu en dessous de, au-dessus de Grenoble. Et du coup, bah. Un peu au-dessus, juste un peu au-dessus. Ouais, voilà. Du coup, bah. On serait, Toulon, on serait aussi. Toulon, pour ne rien citer, serait dans le sud de la France, par exemple. Donc, tu disais. Parce que je t'ai pourquoi, coupé. Pourquoi tu te considères comme un bof? Je me considère comme un bof parce que les gens me considèrent comme un bof de manière assez évidente. Mais pourquoi le Ricard, c'est tout? J'habite dans le sud de la France, j'aime le rugby, j'aime le Ricard. Ça suffit. Moi, bof, du coup, si tu me donnes cette définition, bof, c'est plaisir. Bof, c'est plaisir, c'est chaleur, bonheur, bonne humeur. La règle des 3 C, chaleur, bonheur et bonne humeur. Alors, attends, j'ai une accroche. Ouais. Alors, attends, pour venir à l'accroche de drague. Il n'y avait pas 3 C. Hein. Pour devenir à l'accroche de drague. Moi, j'ai une accroche, mais que j'ai pas trouvé sur des sites. Alors, attends, alors, je te promets qu'il y a des sites. Ouais. Ça filoche, le temps filoche. Comme, questions et j'ai 3 pages de questions. Ça filoche comme qui? Gérard. Qu'on fait la il a. Il le tient. J'ai inventé une accroche que je trouve pas mal. Parce que, alors j'ai appris qu'il y avait beaucoup de sites qui t'apprend à pécho. Et, genre Tinder? Non, vraiment des sites genre en mode tuto. Genre YouTube. Non, des sites dédiés ils font des articles de genre en mode dans des situations spécifiques, ils te donnent des cours. Hein? Comment? X? Site un peu X? Non, pas du tout, en plus. Il y a des newsletters, mails, enfin bref, tu vois. Et donc, moi, je propose, tu me dis ce que t'en penses, genre en mode, t'arrives, je me chauffe un peu, hein. Genre en mode, ok, je tente tout ou rien. Tu t'inventes une vie en première phrase, tu balances une vanne. Ouais, salut, je suis en M2, master, finance publique, enfin. And business. Enfin, j'ai pas de soucis avec ça, enfin, genre, j'ai une bonne situation. Vas-y, dis-moi ce que tu es, toi. C'est pas mal, ça, non? Bah, c'est un peu condescendant. C'est-à-dire que tu poses. Non, mais c'est-à-dire que tu poses tes couilles sur la table. Non, mais t'es pas obligé de faire un M2 master finance pour faire ça, mais genre. D'accord, mais la meuf à qui tu dis ça, si elle est en L3 Troubadour, par exemple, enfin, à tout. Au pif. Elle est CR Sorbonne, c'est ça que tu veux dire? C'est exactement ça de ça dont je parlais. Si la meuf te dit ça, et ben la meuf, peut-être, elle te prendra pour un mec condescendant. Il faut peut-être la même chose, mais en mode. L3, cinéma, littérature, tu vois. Non, mais en fait, ce qui est marrant avec mon accroche, c'est genre en mode. Tu t'inventes un truc. Genre en mode, ouais, écoute, je suis le fils de. Nanana, je suis le fils de Bernard Arnault, par exemple. Au pif. Mais je veux pas que tu le saches. Franchement, garde-le pour toi. Après voilà, parle-moi de toi, c'est mieux. C'est pas mal. Et après tu lui dis, non, en fait, je connais Bernard Arnault, enfin, rapport... rapport aux médias, rapport aux médias, quoi. Voilà. Alors, ça t'accroche, elle marche seulement si la fille, elle aime bien plutôt... Bernard Arnault. Elle aime bien plutôt les mecs plutôt condescendants. C'est-à-dire qu'une fille à qui tu lui dis, ah, je connais Bernard Arnault, si la meuf se dit genre, ah, ok, genre, il me le dit pas trop, il est un peu... Si la meuf est naïve, Non, attends, trois options. Ouais. La meuf est conne, elle sait pas qui est Bernard Arnault, fin de l'histoire. Elle se dit juste, c'est le PMU du coin, enfin bref. Si la meuf se dit, ok, Bernard Arnault c'est pas mal, mais tiens, elle aime bien les mecs condescendants, si la meuf se dit, il fait trop le mec, elle le tège. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur trois que ça marche. Donc, ouais, mais est-ce que c'est pas le bon moment? C'est pas la bonne, du coup. Bah, c'est... Tu cherches le grand amour, Jules? Oui, oui, oui, c'est ça que je cherche actuellement. Non, moi je cherche à. Enfin, j'ai une situation stable, financière stable. Je cherche à me marier et je cherche juste à, enfin, à trouver une femme qui saura m'aimer telle que je suis. Enfin, c'est tout ce que je cherche. Ok. Ok. Et donc, rapport avec ta réponse. Zébardé. Zébardé, on y va. Si tu devais mélanger. Enfin, prendre deux. Ça vient d'où le Zébardé? Eh mec, faut que je te montre absolument. C'est genre un mec dans X Factor Belgique. Tout... Si tu devais mélanger... Ok, donc sans transition. Alors, en rapport avec ta dernière réponse, je vais faire une transition. Si tu devais mélanger deux expressions... Ouais. Vas-y. Okay. C'est une question de merde. Genre, prends deux expressions. Tes deux expressions favorites. Et viens, on fait un mélange. Ok. J'ai jamais essayé de les mélanger, mais voilà. Mes deux expressions favorites, c'est... Non, alors c'est pas ça. C'est... La première, c'est... La vie, ça fait mal, mais on remonte à cheval. Ouais. Voilà. La vie, ça fait mal, mais on remonte à cheval. À cheval, en mode classique. Et la deuxième, c'est... Ou au trot, d'ailleurs. Au trot, au galop, au trot. La deuxième, c'est... Je roule ma bosse. En mode, je... Ah, ça c'est compliqué. Ça nourrit son homme. La vie, ça fait mal, mais je roule ma bosse. Alors, c'est pas ouf. Au niveau humoristique, ça fait pas son effet et ça ne veut en plus qu'à dire. Peut-être qu'on pourrait faire, mais non, mais ce serait pas très drôle parce que il y a des expressions. Je touche ma bille et je roule ma bosse, c'est distinct. Je touche ma bille qui veut dire je m'y connais un petit peu, ouais. Et je roule ma bosse qui veut dire ah, petit bonhomme de chemin. Et du coup, bah là, bah, si tu dis je roule ma bosse, c'est pas très drôle, ouais. Ça a pas beaucoup d'effet. Du coup, je pense que il faut abandonner la question et passer à la suivante parce que celle-là, elle n'aura que très peu d'effet sur le nom de l'émission. Alors on peut très bien la. Mais non, mais moi j'aimerais bien, pas le nom de l'émission, mais le nom de l'épisode. La vie ça fait mal, mais je roule ma bosse. Eh ben mec, deal. Alors là, on est dans la rubrique toi. Oh putain. Comme la première rubrique, si tu as remarqué. Toi, mon toi finalement. Toi, mon toi. Et alors déjà, attends. Est-ce que tu penses. Alors là, je l'ai pas écrit. Parce que t'avais honte. Bah aussi, mais je pense, par exemple, que tu as la tête de ton prénom. Ah non, alors non. Tu penses que t'as pas la tête de ton prénom. Mais mec, c'est... Alors attends. Preuve à l'appui. Vas-y. Alors, non, pas preuve à l'appui. Dis-moi, alors, tu prends ta tête. Ouais. Si tu dois donner un prénom, ouais, qui doit ressembler à ta tête. Alors, on m'a donné beaucoup de prénoms. Enfin non, un prénom qui était lié à ma tête. Alors, enfin, deux prénoms en fait. Le premier... Champignon, mais rien à voir. Le premier, c'était Paul Afrir. Non, ça n'a rien à voir. Le premier qu'on m'a donné, c'était... On m'a dit, putain, mais t'as une tête à t'appeler Victor. Mais pourquoi? Alors moi, j'ai dit, Victor, c'est le nom d'un de mes deux meilleurs potes. Ouais. Ça n'a pas lieu d'être. J'ai dit, ah ok. Et le deuxième, en fait, c'est une très bonne copine à moi qui a donné, pour ne pas la citer, qui m'a donné ce blaze et qui donc a répondu un peu le truc. En fait, elle pensait que j'avais une tête à m'appeler Bastien. Alors, Bastien. C'est vrai qu'elle a raison, mais j'ai une tête à m'appeler Bastien. Je suis d'accord. Et en fait, elle me disait, si je peux me permettre une petite digression. Vas-y. Première fois qu'on s'est rencontrés, on m'a dit, ouais. Elle t'appelait Bastien, sans jamais te connaître. C'est pas tellement ça. On m'a dit, ouais, on va voir. Une meuf que... la meuf la plus belle de notre classe, patati patata. Alors moi, j'étais là, je faisais la meuf la plus belle de notre classe. Enfin, genre, vas-y, genre, Bastien, chauffe-toi. Non, j'étais là, je me disais... la meuf la plus belle de ma classe. Je l'aurais repéré, enfin j'aurais vu que c'était, tu vois, et je voyais pas du tout qui on parlait. Et là, la meuf arrive, et je fais, ah putain, c'est elle. Et la meuf me fait, ah Bastien. Et que dis-tu? Moi, c'est Jules. Et de là, elle m'a appelé Bastien. Bon, c'est devenu un running guy. Et de là, c'est devenu une très très bonne copine à moi. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais te donner un prénom, donc Bastien physiquement? Mais est-ce que tu pourrais te donner un prénom mentalement? Spirituellement? Ouais, spirituellement. Oui. Jésus. Mis à part Jésus. J'avais deux options. Bouddha. J'avais deux. Non, j'avais quatre options en fait. Vishnu. J'avais quatre options. J'avais Jésus. Socrate. Attends, ta naissance, t'avais quatre options qui s'offraient à toi. Ouais, il avait que quatre. Okay. Mais mentalement, j'avais Jésus. Ok. Bon, Jésus, ça peut être déjà pris par un mec. Il paraît qu'il aimait bien les clous. Ah, il est mortaux en vrai. Il y a longtemps. Jésus, Socrate. La saucisse d'ailleurs. On l'appelle. Non, mais on l'appelle l'acrobate dans le milieu, Jésus. De par rapport à. Genre. Je l'avais déjà avant. Voilà. Ton mime. Big up à mon papa. Genre. Jésus, premier. Socrate. Oui. Rapport à la. Oui. À la philosophie. Oui. Bouddha. Ouais. Rapport à l'obésité. Et le quatrième, c'était Jean-Marie Bigard. Rapport à la beaufrie. T'as choisi quoi? Et du coup, j'ai choisi Hippolyte parce que c'est le prénom que ma mère avait failli me donner finalement à la naissance. Okay. Et je me suis dit que spirituellement, je me suis appelé Jules, pour ne pas me citer, mais j'aurais toujours dû m'appeler Hippolyte. Et c'est un genre d'acte manqué finalement. Et je voulais m'appeler Hippolyte. Tu crois aux actes manqués? Je n'y crois pas. Mais genre. Non, si. Cool. Non, je crois réellement aux actes manqués. Ah ouais. Aux choses qu'on a fait, aux choses qu'on n'a pas faites et qu'on aurait dû faire. Et, enfin, d'ailleurs, c'est la définition de l'acte manqué. Mais je crois profondément aux actes manqués. Et, d'ailleurs, ce qui détermine des chemins de vie pour ne pas faire le philosophe et ne pas te faire pleurer. Bah, j'ai envie de dire. Amen. Au chemin de vie. J'ai cru amen par rapport à Jésus, mais allez. Chemin de amen vie. Aussi. Amen le rosé, gros. Allez, ça part. Suivante. Alors, déjà, est-ce que tu crois à la théorie du complot? Alors, non, bah, c'est presque complot, mais tu vois. Mais, genre en mode, enfin la théorie qui dit que t'as un sosie dans le monde, mais qui te ressemble à 100%. Alors non, alors ça n'a rien tu à voir. Tu crois pas? Alors, je crois pas à la théorie qui dit que... Faut que tu y crois. Alors attends. Alors, oui, alors, crois. Je crois à la théorie qui dit que... Genre, non, non, vas-y, tu y crois pas. Non, mais en fait, je crois à deux théories. Ok. Enfin, il y en a une, c'est pas une théorie, je sais pas si ça a été prouvé ou pas. Il y a une théorie qui dit, et ça n'a rien à voir avec l'égression, qui dit que... n'importe quelle personne du monde, tu la connais ou tu es relié à elle par cette personne. C'est-à-dire que par exemple, tu prends Monsieur Trump. Ouais, mais ça, j'y crois un peu. Je connais mon frère, qui connaît un mec d'En Marche, qui connaît Macron, qui connaît Trump. Bon, 4. Genre, 4 personnes. On est à moins de 7 poignées de main du monde. Voilà, en gros, c'est ça. Cette théorie, j'y crois. Ça n'a rien à voir avec ta question, mais j'y crois. J'avais envie de le caler, mansplaining et compagnie. La théorie qui dit que j'en suis dans le monde, j'y crois pas, pour une bonne, simple et bonne raison. C'est que j'en ai peur ensemble, parce que je suis ultra haut. C'est ça que tu dis? C'est la première raison. La deuxième, c'est que j'en ai peur. Donc, pour donc je n'ai pas envie d'y croire. J'y crois pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui me ressemble trait pour trait, parce que je n'ai pas d'explication à ça, mais je n'ai pas envie d'y croire. Ok, ok. Peut-on blâmer pour ça? Je ne crois pas. Ok. Et toi, tu y crois? Ben moi j'y crois vachement. Le mec avait des choses à dire là-dessus. Non, non, moi j'y crois vachement et je voulais te demander qu'est-ce qu'il pourrait faire dans ta vie. Et moi je pense que le Lucas du Canada, donc de l'opposé du monde. Mec, le Canada c'est pas l'opposé du monde. Ouais, bah ben, de l'autre côté. Ok, genre, d'accord. Donc t'as une vision très. Ah ben, je pense que moi j'ai. Franc-concentré. Une vision franc-concentrée. Du monde quoi. Et, étonnamment, ouais. Mais genre, ouais, je pense que le Lucas du Canada galère un peu. Et donc j'aimerais lui passer un mot. Lucas, force en toi mec. On se connaît pas encore. J'avais pas prévu ça. Mais Lucas, force à toi mec. Je suis persuadé que tu galères, mais y a au moins quelqu'un qui est derrière toi. Mais il galère plus que toi. En vrai, si t'as l'air, il galère. Bah c'est difficile, mais je pense qu'il est dans la galère. Et j'aimerais qu'il entende ce podcast. Ou ce pilote de podcast s'il est publié. J'aimerais bien qu'il entende ce podcast et qu'il dise au moins il y a quelqu'un derrière moi, man. Ah, et moi je suis derrière toi, man. Big up. Moi je vais bien faire passer un message au Jules qui n'existe pas aussi alors. Enfin, passe un message, man. Mec, les Bahamas, c'est déjà pris. Envoie tout au Luxembourg. Envoie tout au Luxembourg. Et fait péter dans le Var. Le Var, c'est vraiment un beau département. Et je pense que, enfin, il y a de l'oseille à se faire. Voilà, c'est tout. Allez, on peut passer à la suivante. Alors, question qui va en rapport avec l'ancienne question. Putain, j'ai dit Bahamas au lieu de Panama. Bon, oh, t'inquiète. Rapport à l'affaire Panama Papers. Ouais, bah oui, je... Je l'avais. Mais le Bahamas, c'était 3 ans plus tôt, donc ça va encore. Mais le Bahamas, il n'y a pas eu une affaire Bahamas Papers. Non, mais il y a... C'est moins connu, c'est moins connu. Ouais, bah t'inquiète, les auditeurs ne sont pas encore là et ne sont pas encore pointus. Alors attends, question qui va avec l'ancienne question qui était en rapport au double sosie que tu as dans le monde. Ah, celle-là, si, ouais. Alors question qui va avec, quel genre de chat tu penses être? Un chat angora. Hein? Un chat angora. Mais ouais, ok le type. Mais genre le comportement que tu as. Ah, proche des maîtres, pas proche des maîtres, flemmard, un peu aventurier. Ah, c'était pas une race que tu attendais. J'attendais une race. Un chat angora. Ouais, mais quel tempérament? Parce que, en fait, finalement, le chat ne se définit pas à la race. Alors, quel type de chat? Comme les humains. Merci! Yes. C'était Lucas! Yes. Les génies du vendredi à la cigale au Bataclan en présentation officielle, merci. Alors, à quel type? Je pense que je serai. Tempérament, tu vois. Parce que je trouve que le tempérament, c'est grave important chez les chats. Alors, je pense que je serai un chat sournois. Un chat, c'est. Je ferai. Malin? Malin, mais. Mais parce que sournois, c'est lié aux bêtises. Mais vicieux, je serai un peu vicieux. Parce que. Quoi? Bah, lié au coup de pute. Enfin, tu sais, au petit. Ouais, genre. Tu déchires le PQ dans toute la partie. Non, par exemple, bon, si je peux raconter une petite anecdote. Ouais, en tant que chat, oui. Alors, en tant que chat, miaou, miaou, miaou, j'ai fait. Non, la blague était pas ouf. J'ai fait du rugby, par exemple. Et genre, quelque chose que je faisais souvent au rugby, en tant que. Bah, je jouais demi-mêlée pour ceux qui connaissent. Et genre, souvent avant les matchs, avec mon autre copain demi-mêlée, on allait voir. En fait, l'équipe d'en face, on allait voir le mêlée d'en face, donc contre qui on allait jouer. Et en fait, on allait chercher sur Facebook le nom de sa copie. Admettons, ça s'appelait-elle Sarah. Et avant chaque mêlée, par exemple, on se retrouvait à côté de notre vis-à-vis, on disait des insanités sur cette petite Sarah, qui n'avait rien demandé. On disait, Sarah, je lui ai fait des beaux triplés la nuit dernière, par exemple. Et le numéro 9 d'en face nous regardait. Que dis-tu? C'est ce côté sournois que je voulais mettre en avant. Et on fait la bise à toutes les Sarah de France qui méritent respect et. C'est vrai que tu faisais ça? Et, oui, mais. On faisait ça, ouais. Vous étiez des enculés quand même. Ouais, c'était un petit coup de pute, mais je pense que je serai un chat un peu sournois. Dans la mesure où je suis une pute. Sans manquer de respect aux putes qui méritent salaire. Qui travaillent comme un peuple. Merci! C'est Jules, vous pouvez le retrouver. Non, ta gueule! À son adresse à Bagneux. Boris! Boris! Ok. Là, c'est la rubrique. Tu coupes ça, ouais. C'est la rubrique. Tu préfères. Oh, j'adore ce jeu, putain. J'adore ce jeu. Alors. Jingle. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Ma banane tout nu sur la plage. Mais genre, alors là j'ai des tu préfères, mais à partir de ce moment de l'émission, enfin de ce pilote de l'émission. C'est quoi un pilote en fait? C'est un pilote. Un pilote, c'est ce qui est enregistré comme étant une maquette de l'émission en elle-même. Genre un pilote, c'est un essai d'un truc final. Ok, c'est un brouillon. Ouais, voilà, c'est un brouillon. C'est là par exemple, on fait un test. Du format de l'émission. Là, on fait un pilote. Là. On peut faire un pilote. On peut faire une émission. Là, on sait pas. Qu'on fait, c'est un pilote là, ou pas? Bah, ce qu'on fait, déjà, faut trouver le nom de l'émission. Au-delà de ça, c'est un pilote. Mis à part la chouille. C'est un pilote? Bah, c'est un pilote ou c'est une émission si c'est cool. Tu sais ce que c'est l'émission, le nom de l'émission, mais tu le sais très bien. C'est la chouille? Non, c'est Massachusetts. Bah, c'est bon, on a trouvé les. On a... C'est Massachusetts. Massachusetts! Elle s'appelle comme ça et on sait très bien parce que on sait pourquoi elle s'appelle comme ça. Ouais. Et on fait des bisous au Massachusetts. Et à toutes les Sarah du Massachusetts, on les embrasse. Alors, Parce qu'à partir de ce moment de l'émission, j'ai pas préparé de ouf les questions. Alors déjà que de base, les 35 premières minutes étaient pas préparées follement. Follement, non. Alors les minutes suivantes vont être très longues. Très longues. Yes. Alors, vous demande s'il vous plaît de rester avec nous pour un max de bonheur et un minimum d'emmerdes. Est-ce que tu préfères, ouais, 6 doigts de pied, mais tu nages plus vite? Ah, ou alors... Ah, putain, le coup de la palme. Le coup de la palme. Ou alors 6 doigts de main. Alors là, à ce moment-là, il y a écrit 3 petits points, donc je vois pas de choses positives, mais j'imagine que c'est pratique par rapport aux 6 doigts de pied. 6 doigts de main. Pourquoi? Et la réponse est assez... Mais c'est pas esthétique du tout, mais... La réponse est assez évidente. Et je suis un pianiste de haut niveau. J'ai toujours considéré que... En fait, non mais je peux pas faire une partie technique ou pas? Ouais, vas-y. Alors, pour la partie technique... pour la clé de sol. Non, c'est pas ça, mec. Enfin, quand tu t'y connais pas, tu parles pas, s'il te plaît. Mais quand je... à chaque fois que je fais un ré bémol, j'ai toujours cette tendance, avec mon quatrième doigt, enfin, si je peux me permettre pour les experts, à rabattre sur un sol. Et genre, ce qui m'énerve, c'est que le doigt rip, et à chaque fois, je me dis, putain, un sixième doigt me permettrait de faire un sol, enfin, une note un peu bleue, finalement. Et enfin, bref, c'est fastidieux. Non, mais bon, pour le piano, je pense que 6 doigts ne serait pas du luxe pour jouer la lettre à Élise à notre dulciné, si je peux me permettre. Voilà, d'ailleurs, lettre à Élise, qu'on d'ailleurs traduit fur. Furélise, d'ailleurs, on embrasse toutes les Furélises de France. Et merci, Élise. Ok. En rapport avec cette question, tu préfères avoir les roues flaquettes de Maxime Bédard? Les roues flaquettes, qu'on embrasse d'ailleurs, Maxime. De Bradley Liggins. On embrasse Bradley Liggins, d'ailleurs. Tu préfères avoir les roues flaquettes? On embrasse nos pages en France, d'ailleurs. On embrasse Christopher Froome, mais on embrasse l'équipe, la Team Sky, nouvellement appelée Team Ineos. Et on embrasse le cyclisme, d'ailleurs. Tu préfères avoir des roues flaquettes ou alors un bouc, mais juste un bouc, genre pas de... Et on embrasse la fouine. Et on embrasse la fouine, d'ailleurs. Putain. Un bouc sans moustache? Un bouc sans moustache, mais ultra bien rasé, genre vraiment bouc, juste un petit bouc là. Un petit bouc. Un peu comme moi, genre. Enfin, alors non, justement, parce que ultra bien rasé sur le côté, sans moustache, juste un bouc là. On voit la quête au bouc? En gros, soit tu auras ça et tu laisses ça. Ouais. Soit tu auras ça et tu laisses ça. Voilà, c'est ça. Mais vraiment ultra bien rasé, genre dégueu. À blanc, quoi. À blanc. Ah oui, à blanc, mais H24. Et ben alors, je pense qu'on pourrait prendre deux figures de comparaison. Maxime Bédard et la fouine. Oh, bah, c'est qui n'en fait. On compare les salaires. Et c'est un mauvais exemple. Et je pense que de manière assez évidente. Non, je pense que ben, ça, je garde un... Non, mais esthétiquement. Esthétiquement, mais après c'est mon côté un peu british, mais je pense que j'ai quand même des roues flaquettes. Tu savais qu'il y allait dire ça. Mais ouais, mais parce que en vrai t'avais dit grave tout dans ta vie petit, que tu gardais les roues flaquettes. Mais mec, il me rappelle très bien d'avoir dit ça, que j'allais garder les roues flaquettes. Et ça fait deux fois que tu te renverses du rosé dessus. Ouais, et finalement, on embrasse tous les rosés en France. Mais mais je pense que vraiment, parce que le bouc seul, rasé à blanc sans moustache, ça fait du genre, j'ai 4 poils sur le menton, je les laisse. Ouais, alors les roues flaquettes, ça fait genre, je suis un mec crade, mais j'assume. Et genre, moi j'aime beaucoup Maxime Bédard, et je pense qu'on embrasse Maxime Bédard. Mais en vrai, c'est pas un mec crade tant que ça, parce qu'en soi, c'est ou un anglais, ou un anglais. Mais ça dépend la garniture, la fournie, enfin, ouais. ça dépend le personnage, et puis ça dépend aussi le taillage finalement. Est-ce que c'est filé, est-ce que c'est brouillon, est-ce que c'est épaté? Qu'est-ce qu'on entend par roue flaquette finalement? Et ça, je pense que c'est un... Bah après, c'est les roues flaquettes que tu veux, mais en soi, ça doit ressembler à des roues flaquettes. Donc, tu le fais esthétiquement comme tu veux, genre, mais c'est des roues flaquettes. Je pense que je laisse les roues flaquettes au profit d'un bouc peu désirable finalement, tant dans sa manière esthétique que dans son côté pratique pour, par exemple, manger du gazpacho. On embrasse tous les gazpacho. On embrasse tous les gazpacho. Chalvaille, les légumes. On en fait du gazpacho, la soupe froide venue d'un pays chaud. T'es venu comment ici? À Yep, parce que j'étais pour du rhum des femmes et de la bière de Dieu, un accordéon. Et finalement, on embrasse tous les accordéurs. C'était pour les retraites. C'était pour les retraites. C'était pour la retraite et on embrasse tous les vieux de France. On embrasse toutes les retraites de France. Et on embrasse tous les retraités de France qui méritent salaire. Parce que comme disait Marx... Tout travail mérite salaire. Et ça, c'était Marx. C'était un bon mec. Et c'est pas Marx qui disait ça, je crois. Pas du tout. C'était pas Marx. Pas du tout. C'était pas Karl. L'URSS, USSR, ne se disait pas en Amérique. Parce qu'en fait, il y a une histoire. Ils disaient « Back in USSR ». Les Beatles, dans une célèbre chanson intitulée « Back in USSR », disaient « Back in USSR ». Mais en fait, par expérience, pour un vieux copain, enfin, récemment copain, qui est passé en oral, on ne dit pas « Back in USSR », mais on dit « Back in Soviet Union ». On dit pas USSR, but just Soviet. And I can continue the podcast in English, but I'm scared about it. T'as pas les notions. I'm scared about your level in English, and I would like to. Tu fais bien d'avoir peur. Shut up, bitch. So now we'll continue in français. Et en français, je pense qu'on dit not USSR, but just Soviet Union. Et on embrasse tous les soviétiques, d'ailleurs. C'est Julien. C'est connard de hippie. C'est Julien Lepers qui faisait ça, non? Et d'ailleurs, on l'embrasse tous les. Tous les trucs. Oui! Et c'est gagné! C'est Lucas dans l'émission Massachusetts qui fait ça aussi. Oh putain. Un bon mec, un homme nouveau, et on trinque. Et mec, tu sais pourquoi les Gaulois, à la base, en fait, ils trinquaient fort? C'était pour le poison, non? En fait, je te laisse raconter. Alors, ils trinquaient fort, rapport au liquide qui transvasait d'un verre à l'autre, donc ils trinquaient très très fort, pour genre en mode un signe de confiance, rapport au possible poison qu'on pouvait mettre dans un verre pour je sais pas comment tuer. Tu l'as appris, mais ça m'a instruit. Et je crois que c'était enregistré cette partie. Et on remercie tous les instruits. Et j'ai été enregistré. Ouais, c'était enregistré. Mais le mec qui a écouté de la première à la 43ème minute 47. Sera un vrai, et on lui dédicace au vrai finalement, et on embrasse tous les vrais de France. Et des Sarres. Alors attends, troisième question, enfin troisième. Dans la rubrique tu préfères. Ah putain, je me dis, putain, c'est dans la rubrique tu préfères. Ouais. Parce que t'es venu. À pied. tu serais venu en transport en commun. Donc ma question porte sur les transports en commun. Je suis venu en transport en commun. Mais non, t'es venu à pied. Oui, mais à pied, c'est commun. C'est un grand transport en commun, finalement, le trottoir. Mais mec, c'est commun. Mais c'est ouais, commun. J'avoue. C'est commun. Non, mais j'avoue, je me trompe. Espèce en vrai, espèce d'individualiste. Le trom. Le trom. Le trom, c'est sur pour les enculés. Sur côté, le trom. Ouais, de ouf. Allez, tu préfères. Et on embrasse tous les trottoirs de France. Tu préfères des petites claques ou des pichenettes, mais tout le temps. Tout le temps, insupportable. Ou alors, n'avoir aucune place dans les transports en commun à chaque fois que tu les prends. Non mais mec, c'est réglé. Bah dis-moi une réponse, s'il te plaît. Alors, j'aime beaucoup être debout dans les transports en commun, même quand il y a une place, j'ai tendance à rester debout, puisque j'aime bien le fait d'être debout. Et en revanche, alors la justification est faible, certes, sur le régime de connaissance, c'est pas fou, mais les claques et les pichenettes, tu finis par avoir un trou dans le crâne. Mais non, mais pas forcément par dans le même endroit, genre vraiment une pichenette genre chiante, mais pas qui mais fait mal. À quelle récurrence? Tout le temps, vraiment toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, t'as une claque ou une pichenette. Même la nuit? Bah pas forcément la nuit, je te laisse dormir, mais vraiment la journée tout le temps. Mec, je pense... Ce qui est déjà chiant. Hein. Et si on se bat avec le mec, genre imagine, on est sur... Il y a un autre mec, si tu te bats avec le mec et que le mec n'est plus en état de te mettre des pichenettes, il y a un autre mec... Qui dit okay. Ah bah putain, je vais remplacer okay. Et je vais mettre des pichenettes tout le temps. Mais imagine, mon ami c'est Bros et je m'appelle Mario et le mec c'est Boozer, je défonce sa mère. Non, ça marche pas, c'est vraiment tout le temps. Alors, c'est vraiment tout le temps. Alors je suis désolé. J'ai choisi les transports en commun debout. Mais mec, les transports en commun debout, c'est comme marcher sur un trottoir, c'est normal d'être debout. On est bipède et être debout c'est un peu finalement. Non mais aucune place dans aucun transport en commun. C'est-à-dire la voiture, bus, voiture, genre vraiment t'es tout le temps. Alors attends. Mais mec, c'est impossible d'être debout dans une voiture. T'es vraiment tout le temps debout. Mais c'est impossible d'être debout dans une voiture. Ouais mec, moi je te dis que dans le monde du Massachusetts podcast, c'est possible. Mais alors quelle voiture? Ah ok, alors toi tu vis dans un monde, tu vis dans un monde américain de centré, dans une Range Rover, dans une Meriva. T'es debout avec ta mère. Bisous à toutes les Merivas. Elle n'a plus une Meriva. Elle a une Opel. Comme ça? Mais non, tu sais, c'est les grosses Opel avec, tu sais, les genre de scotch, tu sais, sur les côtés. Oui, je vois très bien. Mais je vois, c'est pas le nom, c'est pas le nom. Non, mais tu vois, mais la Mary Academy. Ouais, la Mary. Mais je vois très bien la Mary Academy. En vrai, on peut être un peu debout, tu sais. Elle était grise, la Mary. Elle était bleu nuit. Mec, elle était pas bleu nuit, elle était grise anthracite. Elle était vraiment grise. Elle était anthracite, putain. Elle était anthracite. Comme toi d'ailleurs. Et on embrasse tous les anthracites de France. Finalement, et non, j'ai oublié la question, mais mec, d'être debout. Des petites claques, des pichenettes tout le temps, ou alors être debout dans tout le temps. Mec, t'es debout, tu choisis quoi toi? Moi, je préfère être debout dans tous les transports en commun. Moi aussi. Rapport aux claques et aux pichenettes. On trinque. On est d'accord sur. Allez, on trinque. On trinque. Et on commence à être vraiment fatigué. C'est vraiment, je commence un peu mal. Ça tapote. J'ai les molaires qui baignent. Pas mal. Alors attends, en rapport avec la question d'avant, est-ce que tu préfères courir vite, mais vraiment tout le temps, Forrest Gump. Forrest Gump. Plus vite que Forrest Gump. Mais tout le temps, je m'arrête pas de courir. Tout le temps, ou alors être tout le temps au bon endroit. Au bon moment? Pas forcément au bon moment, mais au bon endroit. Mec, attends, est-ce que courir vite, ça sous-entend être fatigué après? Ça sous-entend être un peu fatigué, mais étant donné que tu cours vite, je pense que t'as un bon cardio, genre, et ça va. Déjà, tu cours. Tu transpires un peu, ok, mais en vrai, t'es pas essoufflé à mort. Mais à vie, genre, quoi, 8000 km? 40 000 km autour de la Terre? Tu me casses les burnes, mais genre. Répète ouais, tu cours très vite. Donc la question soit c'est... tu cours vite, mais genre très vite. Tout le temps, tu peux aller où tu veux, tu peux aller plus vite Usain que le métro. Plus Tyson Gay, plus Usain Bolt. Ouais. Dis un autre mec dopé, s'il te plaît. Bradley Wiggins. Allez, et on embrasse tous les Vélib'. Non, mais genre, moi, tu cours vite, très vite, tout le temps. Ou alors, t'es tout le temps au bon endroit. Pas forcément au bon moment, mais. Alors, attends, ça veut dire quoi être bon endroit, pas au bon moment? Genre, ça veut dire, en gros ça veut dire. Je suis pas préparé à la deuxième partie. Ok, ça veut dire, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. Genre, moi, j'arrive dans 7 ans, par exemple. Ouais. Au bon endroit, mais j'attends 3 ans. Alors, étant donné que t'es tout le temps en retard, mais t'es tout le temps en pression, parce que t'es tout le temps en retard, mais tu cours vite, donc t'es tout le temps en pression, genre. Alors que tout le temps au bon endroit, c'est bien. Ouais, mais Patrick Bruel, il dirait quoi? Genre, il dirait, je suis au bon endroit et pas au bon moment. Ok, alors moi ce que je préfère. Ouais. Mec, de manière. Elle est un peu moyenne cette question. Hein? Elle est un peu moyenne cette question. Et ben, on comprend pas trop le sens. Mais je dirais de manière évidente, courir vite. Parce que par exemple, quand un chien me court après. Ouais. Si je cours vite, je l'échappe. Alors que si je suis au bon endroit, mais pas au bon endroit. Ouais, mais là on t'appelle une destination, pas une contrainte dans le temps. Genre en mode, il y a quelqu'un qui veut te planter ou il y a un chien derrière, tu vois. Ok. Mais en fait, le problème, c'est qu'être au bon endroit, c'est facilement accessible par le fait de courir vite. Je peux très bien, si je cours vite, je peux rapidement me retrouver au bon endroit en courant vite. Et j'arrive très vite à Singapour, finalement. Ouais, de ouf. Alors que... Ouais, je comprends, de ouf. Donc, je pense courir vite parce que ça prend les deux problématiques et ça les règle. Alors, la question était pas ouf, mais la réponse... Ouais, mais courir vite, ouais, mais en soi, genre, t'es tout le temps en pression et... Mec, la pression, on la boit et finalement, ça, c'est beau. Ouais, de ouf. Et c'est un peu la devise des Massachusetts. Et nous, on est quoi, nous? C'était quoi le nom de l'émission? Et nous, on est quoi, nous? C'est Massachusetts Podcast. Et nous, on est Massachusetts Podcast. C'est quoi le nom de l'émission, juste? C'est le mélange des deux expressions, c'est quoi? La vie, ça fait mal, mais je roule ma bosse. Mais je roule ma bosse. Non, ça l'a pas. Mec, tu l'as pas du tout. Hein. Ok. Tu me l'enverras en message. Alors, dans la rubrique toi. Ah, toi, mon toi. Comme la troisième rubrique toi. Elle de cette émission. Elle a déjà eu, non? Ouais, alors là je vais te dire trois mots et tu vas me dire lequel tu trouves le plus ringard. Et parce que j'ai fait des recherches de mots ringard. Ouais, ok. Un peu has-been. A été quoi? Vas-y, donne un synonyme. Alors j'ai une liste de trois mots et je vais te dire, et tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. Sans sas. Parce que c'est, en fait, c'est le même thème, c'est genre en mode la joie un peu. Sans sas, Tip top. Ou slip. Slip. Ouais, tu dois me faire un top 3. Mais si, ça veut dire quoi slip? Bah, slip, genre en mode slip, un vrai slip. Mais, moi je trouve ça trop ringard. Mais quel rapport que la joie? Je sais pas, je vais admirer ce que. Donc, le plus ringard, je pense que de manière assez évidente, c'est sans sas. C'est sans sas. Mais mec, slip. Quand tu mets pas un garçon ni un boxer, tu peux dire un slip. Ouais, mais c'est quand même, c'est quand même lourd. C'est d'accord. Quand même chiant. Mais mec, en vrai, tip top, tu peux dire une expression assez usitée, c'est tip top moumoute, par exemple. C'est encore plus ringard, c'est horrible. Tip top moumoute, par exemple, on le ouais. dit. Mais mec, mais sans sas, qui dit ça? Qui dit ouais, ça? J'avoue que personne dit ça. Mais personne dit slip non plus, tu vois. Sauf les mecs qui mettent des slips. Alors attends, j'ai fait une autre recherche et ouais. dans le synonyme, je voulais te dire à la fin, ouais. Hey, je te bigophone. Qui dit ça? Personne, mais ça veut dire genre en mode, c'est encore dans la rubrique, je te téléphone, genre en mode, je te rappelle, tu vois, et genre ça veut dire, je te bigophone. Mais qui dit ça? Alors je te répète, il y a un site ouais. qui répertorie toutes les expressions ringards. Et c'est là où j'ai trouvé sans sas, tip top, slip ouais. et bigophoné. Oui. Bigophoné est compris comme un verbe. Et genre en mode, eh bien Jules, je te bigophone au 06, enfin bref, au 06, au 06-8 quoi. Tu connais mon numéro de téléphone? Oui, je te connais. Ok, donc le numéro est ment sur les deux derniers chiffres. 06-21-14. Tu connais par cœur, mec. Les deux sont faux. Les deux derniers sont faux. Oui, je connais par cœur. Ah, toi, je me rappelle très bien ce que c'est. C'est. Ah putain. 06. Je peux mettre un bipé. Attends, il y a Michael Jordan, Zidane. Non. Oui. 06-23-10. Non. 06-10-23. C'est ça. Oui, si tu pouvais inventer les deux derniers. 83. Oui. Ah cool. Avec ça ils sont vachement bien avancés. C'est ça. C'est presque ça. Ouais, merci oui. Jules. Wouh. Nickel. Cool. Coolos. Si tu alors attends parce que là en fait c'est une transition avec slip. Genre en mode avec slip. Genre en mode parce que moi je trouve le mot très rigolo et j'ai fait une question à partir de ça. Tu croyais qu'il allait répondre slip en fait? Bah moi non, en vrai sans sas tu vois, mais slip je trouve ça drôle à dire, tu vois. Non, ce qui est plus drôle à dire c'est slip, un slip. Un slip. Un slip. Ok, moi ça me va. Mais si tu devais choisir un mot rigolo pour l'utiliser chaque jour par exemple. Ouais. Tu choisis quel mot? Un mot rigolo. On prend très au dépourvu. Un mot rigolo, genre n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Mais un mot rigolo, genre, enfin, qui est agréable à dire chaque jour. Moi, il y a un mot que je trouve très très agréable à dire. Ouais. C'est pas très rigolo d'ailleurs. Mais je trouve que dans sa sonorité, il est agréable. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Et tu comprends? Je peux le dire? Alors, j'ai fait un prono sur ça. Alors, mec, dis-moi, tu ne trouveras jamais ce mot, le prono. Moi, c'est une onomatopée. Donc, okay, c'est vraiment alors, genre de plouf. Alors, ok, alors si tu trouves le mot, je te donne mon salaire du mois de septembre. Ok, donc je vais chercher. Parce que je suis payé. C'est plumatorium. Alors attends, je vais te compter le nombre de lettres pour t'aider. Il compte le nombre de lettres. Il y a combien de lettres? 11. Il y a 11 lettres. Onomatopée. Attends. 10. 10 lettres. 10 lettres. Onomatopée sans E. Ça marche pas. Alors j'ai vraiment aucune idée. Donc tu ne veux pas mon salaire? Non, je veux pas ton salaire. Et le mot était mascarpone. Mascarpone, pour la simple raison que... Putain de ouf. Mascarpone, c'est un mot hyper cool à dire. Non. Et tu pourrais l'utiliser chaque jour. Oui. Genre par exemple, je veux du mascarpone, mascarpone-moi un petit coup de bigot. Ouais, bon après, il n'y a pas de... Voilà. Non, mais il n'y a pas trop de... Pas trop de contexte, mais en vrai, ça va. Hein. En vrai, ça... Mascarpone, c'était quoi le pronom, toi? Moi, c'était un onomatopée, genre plouf. Moi, non, mais en vrai, c'était pas pour toi. Plouf. Parce que avant les pronos étaient pour toi, mais là genre c'était pour moi et moi vraiment plouf ou ploum quelque chose. Moi le P et le L font une association qui me convient absolument nickel genre. Alors moi je pense que genre je préfère le bof au plouf. Ok. Bof on va dire bof bof so so. Ouais ouais. You can see. Et Ken the Wizard. Nothing. Je peux pas, nothing. Je peux... Alors attends, je vais te lire la prochaine question. J'arrive. Go ahead. Genre en mode. Alors, en rapport à cette rubrique qui est en rapport avec la rubrique toi. Ouais. Si tu pouvais ne faire qu'une chose avec la pneumatique en coup. Qui ne fait. Enfin, si tu pouvais ne faire plus qu'une chose. Qui te donne du plaisir dans la vie. Ah, mais alors, attends. En dehors des choses vitales, du genre manger, boire, tout ça, genre. Ah. Vraiment, plus qu'une chose, genre. Donc, manger McDo, c'est pas possible. Bah, en un sens, oui, mais tu vois, manger, tu peux toujours. Mais genre, plus qu'une chose. Genre, vraiment, les choses vitales te sont données. Ouais. Il te reste plus qu'une chose. Donc, je peux manger, boire de l'eau et. Enfin, ouais, je peux. Et quelque chose qui te donne envie, tu vois. Donc, je pense que la réponse. Donc, en fait, c'est un loisir que je trouve. Un loisir. Bah, un loisir ou une chose spéciale, je sais pas. Je t'avoue que t'es très libre sur cette émission. Je suis très libre. Donc, je dois prendre finalement un hobby. Ouais. Why not? Je peux dire un truc pas drôle ou pas? Oui. Ok. Le hobby que je voudrais garder toute ma vie. C'est à chaque fois que je rentre chez moi dans la ville de Toulon. De Toulon, je sais pas si on va le dire. Bah, on l'a dit quand même deux fois pendant l'émission. Et dans la ville de Toulon, c'est de poser sur une des digues du Morillon qui est à savoir notre digue. La digue, ouais, c'est la digue. Bon. C'est la deuxième. Quand on regarde le Morillon, il y a celle du Beach Rugby et la deuxième. C'est la deuxième. Putain, tu me touches vraiment comme tu dis ça. Et vraiment, ça touche. C'est de poser sur la digue du Morillon avec mes deux bons copains, à savoir. Le garçon qui m'interview va savoir Lucas et mon deuxième bon copain qui est aussi le copain du garçon qui m'interview va savoir Victor me poser sur la digue du Morillon avec une petite corona et d'observer d'observer la mer et je pense que c'est cette activité que je ne pourrais dont je ne pourrais jamais me priver pour le restant de mes jours. C'est vrai que c'est fou. C'est pas très drôle mais c'est profond. C'est vraiment fou. Moi j'accepte ça vraiment, c'est vraiment cool. Ça me touche. Et on va trinquer pour ça. On va trinquer. Ah, Massachusetts podcast. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron Bayonnais. C'est la Peña Bayona. On est tous là, allez, les gars. Encore une fois. Putain de merde! Est-ce que t'es du genre à crier ou à voir cette petite boule qui te fait un peu frémir, genre? Est-ce qu'on peut distinguer des cas ou on doit répondre de manière assez franche? Tu peux. T'es vraiment libre sur cette émission. Quand ça touche le côté assez sentimental, enfin, les copains, la famille, ouais. J'ai cette petite boule qui frémit et je ne dis rien, ouais. Tu penses. J'en pense pas moi. Non loin sans peu. J'en pense non loin sans peu, et à savoir Pierre qui roule la masse pas mousse. Et je le pense la peau de l'ours. Et vraiment. Avant de l'avoir chassé, d'ailleurs. Et sans d'ailleurs l'avoir chassé, même avant. Ok, alors, cool. Et quand c'est sur un côté plus public, le sport, ouais. Etc., je suis assez expressif. Sur le côté émotif, sentimental, familial, amoureux, amical. Je suis plus du genre la petite boule qui frémit et finalement qui fait son petit bout de chemin, qui touche sa bille, qui roule sa bosse, qui nourrit son homme. Mais ouais, je vois, t'es plus un mec discret, sans faire de bruit, mais qui avance et qu'on remarque. Qu'on remarque, je ne sais pas, mais en tout cas qui fait son petit bout de chemin et qui ne demande pas sa part au chien. C'est pour ne pas faire dans la métaphore. C'est ça que j'aime bien dans ce podcast parce que vraiment, on pose des questions absurdes. Et on sait quelque chose de l'homme en question. Et c'est ça que j'aime bien. dans la mesure où t'es un bon copain à moi, je pense qu'il n'y a pas non plus grand chose d'étonnant là-dedans. Mais... Ouais, j'avoue. Mais c'est beau, c'est beau. Non, mais il faut se dire un geste, si on nous l'apprend. Mec, on s'est jamais serré la main de notre vie. Oui, j'avoue, de ouf. Qui fait ça? Bah, pas grand monde, mais les mecs un peu ringards, mais genre en mode, ouais, je suis d'accord avec toi. On se fait le bisou pour dire bonjour? Bah, ouais, mais parce qu'on est des sudistes. Et en vrai, je te promets que dans le sud, on se fait la bise. Et dans le nord, même que j'embrasse, qui va sûrement écouter tes podcasts. Il m'a serré la main. Parce que de force, il t'a serré la main. Je t'embrasse fort, mais tu m'as serré la main. Alors qu'il fait la bise, mais il était timide. Mais alors qu'il fait la bise, je te promets qu'il fait la bise. Mais c'est vrai que c'est un truc de sudiste. Enfin, nous on est très très proches, mais on se fait le bisou et on se serre la main ailleurs. Mais nous on a ce côté, ouais, cette fibre assez proche. La fibre du sud, la fibre du soleil. Tu sais que j'ai. Est-ce que t'as pris l'autoroute du soleil? On embrasse le soleil. Mais tu sais que j'ai instauré ce truc à Lyon et à Paris de faire la bise. Mais les mecs font la bise à l'envers, avec le côté, avec la joue droite d'abord. Quand sur la bise, on fait que la joue d'abord nous. Ouais, la joue gauche, je suis d'accord. Et les mecs nous font la joue droite. Et ça, moi, je préférais limite qu'on me serre la queue plutôt qu'on. La main, plutôt qu'on me fasse la mauvaise bise. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord de ouf dans ce que tu dis, ouais. Tu sais, qu'il y a zéro censure sur Internet? Ouais. Comme tu sais. Je suis pas sûr. Mais en vrai. C'est la loi Carrez de 1849 qui autorise les 12 mètres carrés pour parler des gens. J'ai beaucoup regardé Chasseurs à la part de Stéphane Pazza et je suis pas un peu fier finalement. Qu'est-ce que t'as dit? La loi Carrez, mec. Ouais, on a compris, loi Carrez 1942, 12 mètres carrés, voilà, c'est tout. Oui, parce que c'est Stéphane Pazza qui l'a expliqué dans Chasseurs à la part. Qu'on recommande sur M6 et on fait de la propagande. On a le droit de faire ça ou pas? Ouais, on a le droit. Putain, Internet c'est vraiment genre. On a le droit. Non, mais c'est un lieu. En vrai, c'est un lieu, c'est comme la Batmobile. C'est un lieu dit. Un peu comme Gonfaron avec les tortues. C'est un lieu dit. Ouais, je suis d'accord. Gonfaron d'ailleurs, tu y as été? Oui, je crois. Mec, il y a le zoo avec les tortues, Gonfaron. Oui, je crois que j'y ai été. Mais je me souvenais plus. Est-ce que tu penses. Est-ce qu'on embrasse les lunettes finalement? Est-ce qu'on embrasse les lunettes? Est-ce que tu penses que ça te donne un truc en plus? Dis-moi. Bah, pour te raconter la petite. Quand je suis arrivé en prépa. J'ai des bonnes questions finalement. Pour ne pas la citer au lycée du Parc. Ouais. J'ai passé un peu, de par mon attitude et mon look un peu déluré finalement, pour un. T'es un peu un punk, non? Non, je passais pour un gros branlos en fait finalement, pour ainsi dire. Et en fait, au bout de 3-4 jours, j'ai mis mes lunettes en cours. Ouais. Et les gens m'ont dit, putain, en fait. Tu passes pour un mec intelligent. Et en fait, des lunettes. Non, mais c'est vrai. Et les lunettes. Tu passes pour un mec. Ah non, parce que je suis un escroc. Et les lunettes, ils changent un homme finalement. Et on me dit que les lunettes font plus. Enfin, me font passer pour un mec intelligent. Or, sans les lunettes, les gens me voient comme étant quelqu'un d'insipide. Et c'est une douleur pour moi. Sérieux? Non. C'est pas une douleur pour moi, mais c'est vrai que les gens me voient. Mais est-ce que tu te considères comme sensible? Enfin, si j'imagine. Le caractère, le qualificatif de sensible, ouais. Comme étant le contraire d'insipide. Est-ce que tu te considères comme sensible, genre vraiment, avec un peu de profondeur et un peu qui ressent des choses et qui l'exprime vivement? Bah, deux choses, l'une. Je vais pas faire l'expression. qui ressent des choses, oui, qui l'exprime, non. C'est-à-dire que. Mais t'es quand même sensible, tu ressens quand même quelque chose. Ah, je ressens. Finalement, par rapport au monde. Par rapport au cœur qui. Par rapport, et on embrasse Tupac Shakur qui nous écoute de là-haut. Ouais. Et finalement, oui, non, le côté ressenti, beaucoup de choses, mais le côté qu'il exprime, beaucoup moins. Pour la simple raison que ça peut parfois s'avérer comme un aveu de faiblesse de trop s'exprimer et de trop montrer. Et il vaut mieux garder. Ouais, mais est-ce que tu ressens? Parce que l'impression. Enfin. C'est que je suis un cœur de pierre. Merci Lucas. Non, mais vraiment, genre vraiment exprimer, c'est complètement différent que ressentir, tu vois. Est-ce que tu ressens beaucoup de choses? Bah, tu veux me le dire, c'est assez différent. Je ressens beaucoup de choses, mais je ne les exprime pas. Ok. Et finalement, c'est assez. Mais est-ce que t'es contraint de ça ou pas? C'est-à-dire, genre, est-ce que ça me pèse? Bah ouais, est-ce que ça te pèse? Est-ce que ça te freine? Est-ce que ça me pèse de ressentir est-ce ou que de ça pas gêne exprimer? Est-ce que ça me pèse de ressentir ou de pas exprimer? Bah de ne pas exprimer, puisque c'est le fait qui manque, non. Tu vois. Ça me pèserait plus d'exprimer, parce que je ne sais pas trop exprimer, et ça me mettrait très mal à l'aise d'exprimer. Et je préfère ressentir. Je préfère ressentir, et faire un petit bonhomme de chemin, et nourrir mon homme, comme on dit, plutôt qu'exprimer, et dire d'exprimer des choses que je ne saurais pas exprimer par le biais de mauvais vocabulaire. Ouais, mais en vrai, je pense que t'as pas besoin d'avoir les bons mots pour exprimer ce que tu ressens. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais en fait, même en ayant les mauvais mots... Je pense que c'est juste une appréhension et une peur Même en ayant les mots, enfin pas forcément les bons mots, ça me met assez mal à l'aise et je pense que le fait d'exprimer... Ça je comprends. Le fait d'exprimer, ça a un sens que si ça te fait du bien, ça te met à l'aise, et dans la mesure où je suis pas d'accord avec moi-même quand je le fais, je n'ai pas envie de le faire. Ouais, ça je comprends. C'était la partie pas humoristique. Non, mais ça je comprends. Jingle pour le non-humour finalement. Est-ce que t'es un mec... qui utilise le mot globe terrestre pour parler de la Terre. Genre en mode, parce que vraiment, genre il y a un prof qui utilise vous êtes bien parmi le globe, je sais pas quoi, et vraiment ça me casse les burnes. Utiliser le globe terrestre par rapport, ou pour utiliser, pour caractériser le mot Terre, tu sais, enfin là où on habite, tu sais. Je ne suis pas de ce monde-là, mais en même temps, est-ce que tu pourrais me trouver un synonyme de globe terrestre pour exprimer globe terrestre? Ouais, la sphère humaine. Donc, qui n'est pas un mot, deuxième chance. Ouais, je sais pas grand chose, mais en soi, genre globe terrestre, qui l'utilise? Les profs de géo. Et voilà. Mais qu'on tombe d'accord finalement. On tombe d'accord, mais en soi, tu penses qu'il y aura. C'est ringard. Ah non, mais c'est ringard. Est-ce que tu penses qu'il y aura une vie après la Terre? Alors, donc on passe finalement d'une question... Non, mais genre, je parle de globe terrestre. Tu n'utilises pas le mot globe terrestre. Attends, une vie pour moi, pour l'espèce humaine? Ben, vas-y, réponds aux deux. Non, je pense que... Est-ce que moi, j'aurai une vie après la Terre? Non. Ok. Est-ce que l'espèce humaine... C'est clair, c'est pas drôle. Est-ce que l'espèce humaine aura une vie après la Terre? Non plus. Puisque on va tous mourir par une météorite. Non mais en fait c'est scientifique, la Terre se rapproche du Soleil et un jour l'espèce humaine, avant même que la Terre meure, l'espèce humaine s'éteindra et j'espère qu'ils écouteront ce podcast avant de mourir. Et les gars, si vous écoutez ce podcast, allez sur la digue du Morillon avant de mourir, et c'est vraiment un spot. Non mais en vrai c'est le spot où on fera peut-être un live un jour. Je sais pas, je balance des idées comme ça vraiment. Non, mais est-ce que c'est pas le spot où on est bien? Où on est vraiment. Enfin, vraiment. Mais c'est le spot, en vrai, si vous le trouvez, venez me dire bonjour. Est-ce que. Quand je te dis le spot. C'est notre spot. Quand je te dis notre spot, tu me réponds quoi instinctivement? Ben, la digue. Je te montre le chiffre. Je sais, là, c'est ça. Eh ouais, on l'a. Putain, elle est à côté du lagon. Et je sais laquelle c'est. Ouais, c'est beau, putain. Putain, on s'aime, quoi. Est-ce que tu penses. Enfin, dernière question. Dernière question. Parce que ça commence à être long et il y a au moins 10 minutes de montage, je pense. Est-ce que le PSG va passer un cap cette année en C1, surtout? Alors, non. Ah ouais? Tu penses que ça va pas passer les quarts de finale? Non, ils iront pas en... Enfin, est-ce que la question c'est, est-ce qu'ils iront en demi-finale? Est-ce qu'ils passeront un cap? En soi, un cap c'est les demi-finales, les grosses demi. Non, déjà, en fait, moi je pense que pour le PSG, passer un cap c'est déjà repasser en quart, parce que ça fait 2 ans qu'ils perdent en 8ème. Et je pense qu'ils passeront pas les quarts de finale. Ouais, mais en soi, passer un cap c'est vraiment. Non, ils passeront pas de cap, parce que. Enfin, je pense qu'ils passeront pas de cap parce que. Je me prononce en vraiment. Connaître les grosses équipes, mais je pense qu'il y a un manque de. Ça paraît hyper vieux jeu, ouais. Mais il y a un manque d'esprit. Et. Je pense que l'équipe, elle se construit d'abord autour de valeurs. Je suis très. Pas très vieux jeu, hein. Mais autour d'une ville et autour de valeurs et autour d'un territoire. Ouais. Et je pense que. À Paris c'est pas forcément le cas. Quand on peut prendre un cas, mais on prend le cas exemplaire d'un joueur, ok, c'est facile, c'est un mec comme Neymar, ouais, mais je suis d'accord, des mecs comme Neymar et Mbappé, je suis pas dans le football, mais moi à leur place, si j'ai envie de rester à Paris au début du mercato, au mois de juin, je dis je bougerai pas, je serai là début août. Alors est-ce que ça a été dit? Ça n'a pas été dit. Oui, mais après il l'a assumé, mais genre je pense que sincèrement. Tu sais que je suis très loin du PSG en termes de. Je pense que ça peut se faire en engouement tout au long de la saison avec des joueurs, avec de la grinta comme Idrissa Gueye, tu vois. Ah oui, avec, oui. Avec le match qu'il a fait, tu vois. Mais et je pense que ça peut passer un cap avec ça. Je dis pas gagner la C1, mais je pense qu'un engouement peut se créer. Mais Idriss Agué, il cristallise le Blaise Matuidi de l'époque. Je pense que malgré tout, toutes les équipes toutes les équipes qui gagnent la C1 ou qui passent des caps, elles ont des joueurs d'exception. C'est-à-dire que elles ont des mecs. Enfin, tu regardes le Liverpool, devant t'as Firmino, Mané, Salah. Tu regardes le Real. Mais est-ce que tu penses que Icardi, Mbappé et Neymar, ça veut pas faire la différence? Pourquoi c'est... moi, je pense que c'est pareil. Mais pourquoi Neymar au mois de juin, il a pas dit oui, je resterai parisien? Et pourquoi il a animé l'été du mercato? Pourquoi il a fait ça? Ah non, mais je suis d'accord que c'est un connard, Et d'ailleurs, il a assumé en Ligue 1. Il a dit, tout le monde, je sais que j'ai voulu partir. Mais maintenant, j'assume. Je suis ici pour cette saison. Ben, je vais tout faire pour mon possible pour le maillot, tu vois. Donc, en soi, ça se défend, tout. Je pense que c'est l'année. Non, moi, je pense qu'il y a des mauvaises conditions pour passer des caps. Et je pense que... qui sont des bruits et je pense que les conditions n'ont pas été mises cette année. Non, les conditions n'ont pas été mises en place, okay. Sur le cap, et je pense que on va arriver encore en 8e ou en quart et à dire Paris a perdu, c'est pas encore l'année, de fait c'est pas encore l'année et de fait ce sera peut-être jamais l'année pour le PSG. Je pense qu'il y a des équipes européennes qui sont largement devant le PSG. C'est sûr cette année, oui, mais je pense qu'ils sont capables, sur deux matchs, de créer quelque chose. Oui, enfin, le PSG est capable de gagner 3-0 contre le Real à un match aller. Sur deux matchs, je me dis, 3-0 le match aller, c'est quand même pas dégueu. Ouais. Tu peux faire partout, parce qu'au final, Liverpool... Naples a gagné contre Liverpool en phase de poule. De but à zéro, déjà, Naples a gagné de but à zéro, c'est autre chose. Quelle équipe en Europe a été capable de gagner 4 buts à 0 à l'aller et de partir 5 au retour? On était à Toulouse. C'est quelle équipe? Mec, t'étais avec nous au resto? Je crois pas. Hein. T'étais avec nous, mec? Je crois pas. Hein. Mais gros, je suis sûr que t'étais avec nous. Vas-y. Le soir où il y a la remontada, là. À Toulouse. Non, j'étais pas avec vous. T'étais pas avec vous. Mais mec, t'étais pas avec vous. Pourquoi t'étais avec nous? On avait bu un verre avec... On avait là-bas au fond, on était allé manger après. Ah, mais si, j'étais avec vous. Non, mais mec, c'est sûr que t'es avec nous. Genre, on était allé manger après, on était rentré à pas d'heure. Et on avait croisé les profs. Ça me dit quelque chose. Mec, t'étais avec nous. Parce que, mec, attends, tu te rappelles que t'avais bien passé avec Lardin Noble et... Oui, ça me dit quelque chose. Ok, et à partir de là, après, on était allé manger ensemble et... Oui, ça me dit quelque chose. Et après, t'étais. Ok, maintenant que t'es rentré à 10h30 avec nous. Oui. Mais voilà, t'étais avec nous. Mais mec, c'est sûr que t'es avec nous. Enfin, bien sûr que t'es avec moi. Genre, c'est sûr. Mais oui, et ben voilà, quelle équipe est capable de faire ça, comme le PSG, gagner 4-0 et perdre 600? Je sais pas s'il y en a beaucoup, et en tout cas, eux, ils l'ont fait, et je pense que le fait de faire ça, ça marque des clubs, et ça ouvre la porte à refaire ce genre de... Enfin, seuls les clubs qui l'ont déjà fait peuvent le refaire. Je pense que le PSG qui a déjà perdu 600 retours... Tu penses que c'est pas cette année, du coup? Non, j'y pense pas. Est-ce que tu préférais avoir le PSG en C1, enfin gagner la C1, gagner le Champions League, quoi, ou la France championne du monde de rugby? Je te laisse répondre pour moi. La France, j'imagine. J'imagine. Pour deux bonnes raisons. Je suis pas parisien, donc je soutiens plus la France que Paris. La deuxième raison, c'est que j'aime plus le rugby que le foot. Et je soutiens la France à la Coupe du monde de rugby plus que le PSG à la CR. Ok, bah ça me va comme fin d'émission. Moi, je pense qu'on pourrait finir sur une note assez positive. Bah, déjà, de 1, on a enfin trouvé le nom de l'émission. Qui s'appellera Massachusetts Podcast. Massachusetts Podcast, en référence à l'État américain. À l'État américain à l'État dans lequel on se trouve. Intitulez-le. Massachusetts. Voilà. Et au concept de l'émission qui, je pense, fonctionne pas dégueu, donc ça va. Chiffon Carpet. Torchon, chiffon, carpette. Voilà. On vous laisse avec la musique de l'émission à la semaine prochaine. Je sais pas. I never meant to call you. enculé quand même. Ouais, c'était un petit coup de pute, mais je pense que je serais un chat un peu sournois.